caresse l'herbe trempée. Les étoiles se retirent, le jour est né. Ryderski l'avance, silhouette fragile. Dans la brume épaisse, un souffle agile. Les gouttes glissent sur les feuilles sombres. Chaque pas réveille les ombres. Twitch murmure les secrets du trop. Un feu naissant sous le chêne et le pommier. Les ruelles grondent d'histoires enfouies. Ryderski scrute, le cœur en survie. Chaque note de l'harmonica pleure, une mélodie forgée dans la sueur. L'élan faiblisse, la peur s'accroche. Dans chaque souffle, la lutte approche. Sur Twitch, la foule tisse la toile. Dans chaque drop, une victoire loyale. Les voix s'élèvent comme un cœur sacré. Dans la nuit, la foi est sacrée. Ryderski l'écoute, prêt à répondre. Chaque drop est un appel à se fondre. Les mains s'unissent, les cœurs battent fort. Sur Twitch, la magie prend corps. La musique est prière et lumière. Un pont vers l'éternel mystère. Pavé vibre sous le pas décidé. Ryderski fend la nuit glacée. Chaque drop éclaire le chemin dans cette ville. Il tient le destin. Les murs chuchotent des promesses oubliées sur Twitch. Les âmes sont liées, la bataille gronde. La foi s'affirme dans chaque sang. Un feu qui s'allume. La lumière perce l'obscurité. Chaque prière est une clarté. Ryderski, flambeau de la nuit. Sur Twitch, la flamme grandit, les voix dansent en harmonie. Chaque note, une symphonie. L'espoir s'élève, puissant et vrai dans cette lutte. On est liés. Un vent se lève, un cri s'élance dans la nuit. Une nouvelle danse. Ryderski guide les perdus dans la lumière. Le chemin est nu, les pas battent. Comme un tambour sur Twitch, la nuit fait son tour. Ryderski l'avance sans faillir. Chaque drop est un avenir. Les voix s'élèvent, pleines de foi dans le souffle d'une loi. On lutte, on chante, on espère. Chaque note est une lumière. Dans le silence, la lumière danse. Chaque drop, une nouvelle chance sur Twitch. La foule s'enflamme, Ryderski porte l'âme. La musique est un feu sacré dans cette nuit. Tout est lié, la foi guide chaque pas. Dans l'ombre, on ne plie pas. Les ténèbres fuient, l'aube est proche. Ryderski tient la roche. La foi est force, la voix est claire. Dans la nuit, l'espoir est clair. Dans la ville, la bataille gronde. Ryderski tient le monde. Chaque drop est un cri de vie. Dans ce combat, il est l'ami. Sur Twitch, la lumière danse. La foule chante en cadence. Chaque battement, chaque voix rallume la flamme en moi. In misty roads, we find our way. Ryderski leads, come what may. Drops like thunder. Together by Ryderski leads, come with me. Drops like thunder. La nuit s'efface. Chaque drop est une trace. Rider's Kill s'en va, droit et fier dans ce monde. Il fait sa lumière.